êtes à C'est Fou 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes à C'est Fou. C'est Fou. Hey, bonjour et bienvenue à Assemblage Requis présente la vente fin de bail de C'est Fou. Je m'appelle Mathieu Plante. On va passer 5 heures ensemble, mais pas juste vous et moi, même si on est très très proches et je sais que vous vous habituez à moi. Là. Mais il y a d'autres gens en studio, comme je dirais, ça ressemble quasiment à une radio... professional. Professional. Deux gars et une fille, toi. Comme deux... partout ailleurs. C'est ça. Ouais. Très original, hein? Bravo à nous. Donc, François-Olivier Marchand, qui est directeur des partenariats et accessoirement directeur général de C'est Fou. Ouais, par intérim. C'est ça. Donc, bienvenue à toi. Merci. Merci Mathieu, ouais. Ça me fait plaisir. En fait, grosse émission. Oui. Très, très grosse émission. Spécial déménagement, beaucoup de tirages à faire, de la bonne musique. C'est ça, c'est fou. Ben, c'est ça, c'est fou. Il va y avoir des céréales à gagner, il va y avoir de la pizza à gagner, il va y des avoir. Des céréales! Un show en parachute! Un show en parachute! Ça va être très bon. Stéphanie Gagné qui est aussi avec moi, ma co-animatrice habituelle. Oui, pour, simple animatrice, pas directrice de rien. Pas encore! Pas encore! Directrice de moi, parce que tu me dis quoi faire, donc directrice de Mathieu Plante. Oui, exactement. Donc, toi, tu vas être avec moi, surtout à partir de 15h pour tes chroniques habituelles et tout ton contenu, mais t'es là quand même. T'sais. Oui! Soit disant, vous faites un beau couple. Ah, mon boss à ma job, arrête pas de m'énerver avec ça. Je suis non, oui. Mathieu, il y a une blonde, arrête. Fatiguant. Gaslight Anthem pour commencer l'émission. Yeah. Téléphonez-nous au 819-376-5183. Deux pizzas. Là. We'll be right back. On va entendre The Gaslight Anthem sur les ondes de C'est fou. Avec quelle pièce, François-Olivier, c'est toi qui l'as choisi? Shame on You. Dernier CD, en fait, qui est sorti. Je m'achète rarement des disques compacts, mais celle-là, ce fut une grande valeur ajoutée à ma discothèque, si on veut. Et c'est pas bien. Hey, en fait, je rappelle, la pizza est une présentation de Salvatore. Donc, Salvatore. Si vous déménagez, appelez Salvatore. Hey, c'est comme un slogan qui rime ça. Ouais, 819-376-7666, ça c'est directement, en fait, où ce qu'ils font les pizzas. Exactement. Et d'ailleurs, parlant de ça, tu vas t'y rendre? Oui, je vais m'y rendre. En fait, j'attends. On va prendre un autre gagnant de pizza. Ouais. Pour deux pizzas 16 pouces, en fait, je m'en vais directement chez vous, vous voulez mener. C'est au 819-376-5183 que vous devez appeler. On va prendre le troisième appel au 819-376-5183. Mais pour l'instant, on écoute Hot Hot Heat, n'est-ce pas, Stéphanie? Oui, on va aller écouter 21 at Midnight. C'est meilleur que Gaslight? Ah oui, c'est tellement meilleur que Gaslight. Ça, c'est un de mes meilleurs albums de 2010, en tout cas. Bon. Hey, vous êtes assez fous, Tarouette. Vous déménagez avec nous. Tarouette. On aime ça. Oui, ça déménage, ça saute et ça mange grâce à C'est fou. 89 FM. Salvatore est tellement généreux qu'en fait, il rajoute une pizza. Hein? Ben, deux pizzas. Deux fois 16 pouces. C'est trop. C'est trop. Inacceptable. On l'aime, Guy. On l'adore. Appelez-le. 819-376-7666. Ça, c'est là-bas chez Salvatore. Ça, c'est là-bas. Mais nous, pour l'avoir gratuitement, hein, grâce à Salvatore. Facile. C'est facile. C'est 819-376-5183. Et cette fois-ci, on prend le deuxième appel. Deuxième appel. OK, parfait. Okay. On y va comme ça. Mais c'est tout de suite, parce que là, si vous vous appelez pas maintenant, vous allez rater votre chance pour un petit bout. Ouais, là, parce que moi, je m'en vais là, livrer des pizzas. C'est ça, à live. Vous allez avoir la présence du sexilifique. Du sexilifique. François Olivier Marchand. Oh, hein? Tu me gênes, Mathieu. Sexy délique. Bref, 819-376-583 et votre pizza, on vous l'envoie d'en face. Mais pas d'en face. Oups, c'est en perche. François Olivier, c'est en perche facilement. Merci, c'est fou. 89.1. Et Salvatore! Fiery Furnaces et la pièce Tropical Iceland, pièce très estivale, pièce que j'adore, un vieux classique des palmarès de C'est fou. Avant ça, on a entendu Hot Hot Heat avec 21 at Midnight. Oui, une excellente chanson de leur dernier album Future Breeds. Oh yeah, vous êtes à la vente. Fine bye de C'est fou, on vous présente de la bonne musique pour vous aider à déménager, on vous met de bonne humeur, hein? On vous donne des cassins. Allez, forcez. Forcez, bande de fainéants. Bande de fainéants. Non, mais pour vous aider, c'est ça, on vous donne plein d'affaires. Il y a des concours à n'en plus finir, là. Ouais, exactement. Moi, Mathieu, en fait, je vais vous laisser. Je vais aller livrer de la pizza. Ouais. C'est mon deuxième. C'est mon sideline. Tu devrais te filmer pour qu'on puisse te voir, ça, quand non, même. Non, non, non. Tu pourrais nous en rapporter. Ah! Oh, ça, je vais demander à Guy, par exemple. J'ai pas dit non encore. Salvatore. Mm-hmm. Bref, on félicite nos gagnants. Ouais, ouais. Notre première ronde de pizza, il va en avoir d'autres plus tard dans l'émission. Ouais. Vers l'heure du souper, là. Ouais, c'est ça. À un moment donné, une chose à la fois. Faut manger aux heures. Des repas. C'est pas parce qu'on déménage qu'il faut manger n'importe quand, là. Non, non, non. Quand même. Sortez vos assiettes de carton. On a un autre concours pour vous tout de suite. Ouais, on va commencer ça tout de suite. En fait, on va prendre les finalistes jusqu'à 3h moins quart environ ouais. Là, pour le saut en parachute offert par Paradrénaline. tout à fait. Vous avez sûrement entendu parler de ça sur les ondes de C'est fou. Leur pub roule toujours, celle avec les cris, là. Chaque fois qu'elle passe, Mathieu... On dirait une tortue, ça. S'excite. Okay. C'est ça. Bref, grâce à eux, vous avez un saut à parachute à gagner d'ici la fin. C'est 3 heures. Ben, on va faire un tirage vers 3 heures. On va essayer d'être précis, là, cette fois-ci. On va être précis. Vous pouvez donc appeler jusque-là au téléphone 819-376-5183. C'est notre téléphone en studio. Donc, je vous dirai pas quand appeler. On va vous le rappeler une fois de temps en temps. On va vous le rappeler. Pendant les pièces, c'est ça, appelez si... ça vous tente. Si ça vous tente. En fait, un saut en parachute d'une bonne valeur, on va faire par adrénaline. On est content. Tellement. De faire vous envoyer en l'air. Ça se dit mal? Ben! Faire sauter, mais... Faire sauter en l'air. Non, c'est ça. Ça se dit pas. En regard! Faire sauter dans le vide. 819-376-5183. Vous envoyez en l'air. Vous envoyez en l'air. Bon, arrête de parler par-dessus. 819-376-5183. C'est ça. Donc, pendant les pièces musicales, d'ici à 3h, moins un quart, 3h, dans ces coins-là. Pour l'instant, nous, on va l'entendre un bon vieux classique. François et moi, on adore ça, cette pièce-là. C'est tellement un hit, là, vous savez. C'est Elliot Broad. Fantastique. Pour vrai, cette chanson-là, je comprends pas pourquoi on dirait qu'elle est pas plus connue, en fait. C'est rare, hein? Puis, en fait, je me demande aussi pourquoi elle joue pas dans les radios commerciales. Ben, c'est ça, d'habitude, ce qui se passe avec C'est fou, tu sais, pour ceux qui ne savent pas encore, puis qui écoutent pour la première fois C'est fou, premièrement, bonjour à vous. Bravo. Bravo, bon choix, en passant. Ouais. Mais ce qui se passe ici, c'est que souvent, on joue de la musique, puis 2-3 ans plus tard, à un moment donné, oups, ça commence à jouer ailleurs. Ouais. Hein? Bon, tu sais. Non, mais c'est ça, on est avant le temps, en fait, et puis cette pièce-là, c'est. Ça s'approche de God's Light and Death. Ah oui. Bon. Tu vas-tu faire jouer ça toute la journée? Ah, qu'il y a des plaisirs. Ouais, c'est ça. Ben non. Putain, t'as pas de bonne humeur aujourd'hui? Non, c'est pas que je suis pas de bonne humeur. Mon ordinateur, elle marche jamais. Ah bon, parle-nous pas de tes problèmes de filles. C'est pas un problème de filles, c'est un ordinateur. Ah, mais ton ordinateur, on sait ce que ça veut dire. Bon, donc Elliot Broad, voici Right All Down For You. Sur C'est fou, 89.1. C'est la bande fin de bail, tout est pas cher, pas cher. On vous donne plein d'affaires, frère. Bon, allez ouvrir les pizzas. Hey, bon voyage. Porte un uniforme de C'est fou. Mets la tête du bonhomme de C'est fou. Sans commentaire. La vente fin de bail de C'est fou est présentée par Pizza Salvatore et Parachutisme Adrénaline. Against Me et Thrash Unreal. Sur les ondes de C'est fou 89 FM, vous êtes dans la vente. Fin de bail de C'est fou présenté par Assemblage Requis, diffusé à partir de 15h les jeudis, mais aussi par Pizza Salvatore et par Pachetis Madrinaline. Absolument, on a vraiment beaucoup de bons, de beaux prix à gagner aujourd'hui. Alors, appelez si vous voulez être finaliste pour le saut en parachute à gagner. Oui, on prend les appels pendant toute l'émission jusqu'à environ 3h, donc 819-376-5183. Ou si trouve qu'il y a de la musique en ondes, c'est là que vous devez appeler au 819-376-5183. On va continuer tout de suite en musique, hein, parce que tu sais, quand tu déménages, à un moment donné, le blabla, c'est comme ça va faire. T'as, genre, hein? Non? Exactement. C'est ça. Donc, on écoute The New Pornographers, voici Your Hands Together. Une chanson qu'on aime beaucoup. Excellente pièce. Sur C'est fou, 89 FM. the cause and cure, we're waiting to get through and past the center of the earth gone straight. May the scientist and vandal continue the way. Put your hands together for the silver bullet, make me the voice of the idol maker. Rising death and it's in shaking. Take your gift for accident, for granted and skin tight. Pull the strings and lift this thing you pushed with all your might. Who pays? You stage. You save the best for later. Who pays? And yet they made you. La vente faite by de C'est fou est présentée par Pizza Salvatore au Cap de Madeleine 450 Vachon Alt 40 819-376-7666. Beginner's luck, white lace, in and out of the sleep, behind the wheel, black eyes, like to scream, you think you can feel the glass break, glass shattering, find your angel. Something right. If you find love, hold on tight. Don't push your love away. Don't push your love away. A little walk on my way back home. I get a call from a friend on the telephone. He says, come here, I got this girl to see. But beware, love isn't always free. A pompous glance Formation des Exit avec la pièce Don't Push, vieux classique de leur album Home for an Island. Ah, j'aime donc ça. Très, très bon. Vous êtes à la vente fin de bail de C'est fou sur les ondes du 89.1 FM, présenté par Assemblage Requis, par Pizza Salvatore et par Parachutiste Adrénaline. Voilà. Voilà. Présenté par Assemblage Requis, c'est comme dire qu'on se présente nous-mêmes. Je le sais, mais c'est comme ça. Ouais, c'est ça. L'émission commence à 15h tout à l'heure. On va avoir nos chroniques habituelles. Ton plat favori va être là, si, si tout va bien. Oh, ouais. On peut pas promettre ça tout de suite. Mais on peut promettre les sorties spectacles. Aussi quelques nouvelles du monde du showbiz. Mm-hmm. Et une sortie d'album, mais que je n'ai pas encore écoutée. OK. Alors voilà. Bon, moi je vais aussi faire la chronique C'est un fait avec des faits inutiles à dire pendant que vous déménagez. C'est toujours bien intéressant de dire que les carottes, en tout cas, je sais pas. Quelque chose sur les carottes. Puis quelque chose sur, je pense, sur les chiens aujourd'hui. Puis en tout cas, plein de faits bizarres. Tantôt. Dans son âge requis. Comme toujours. Comme toujours. Mais pour l'instant, on continue cette vente fin de bail en vous disant encore une fois que tout à l'heure, il va y avoir d'autres pizzas à gagner. Donc pour votre souper de déménagement, ça va toujours être pratique, ça. Mais c'est plus tard grâce à Pizza Salvatore. Ce que vous pouvez faire là, ça vous tente pendant le bloc musical, c'est de nous téléphoner pour être finaliste pour le saut en parachute qu'on va faire tirer vers les 15h tantôt. C'est quoi le numéro de téléphone déjà? 819-376-5183, c'est la réponse. 819-376-5183 pendant les pièces musicales. Et puis, vous allez être finaliste. On va mettre ça dans un chapeau, ou un bocal, ou un aquarium. Peu importe le réceptacle qu'on va utiliser. Et puis, vous pourrez peut-être gagner d'ici 15h. Bon, on écoute The Go Team tout de suite avec leur pièce Grip Like a Vice. Sur C'est tout. 89.1 FM. Myself, MC Lisa. Valès Pariétaire et la pièce Givresse dans Assemblage requis, ou presque, hein, parce que c'est comme Assemblage requis présente, là, etc., etc., la vente fin de bail de C'est fou. Ouais, c'est ça, c'est comme semi-assemblage requis, parce que c'est quand même nous deux, c'est plus ça. François qui est comme notre Parti mascotte. Parti livrer des pizzas, ouais, c'est ça, hey, hey, François-Olivier, notre mascotte, ça pourrait être pas pire, ça. Ça pourrait être pas pire. Ah ouais. Non, mais sans blague, l'émission a pas grand-chose d'assemblage requis à part toi puis moi, là, fait que... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de chronique, rien. Attendez-vous pas à ça. Faut attendre jusqu'à 3 heures. C'est ça. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on passe de la bonne musique juste pour vous autres. Et puis, on vous donne des affaires. Donc, tantôt, plus tôt dans l'émission, on a fait tirer des pizzas. Il va en avoir d'autres d'ici la fin. Mais on va aussi avoir un saut en parachute à vous donner. Et ça, ben, on prend les finalistes pendant tout le long de l'émission jusqu'à 15 heures environ. On va faire tirer ce saut-là. Et ça, ben, c'est grâce à l'école de parachutisme Adrénaline qui est située directement sur le site de l'aéroport de Trois-Rivières. Allez-y pour les visiter. Allez là. Et puis sinon, téléphonez l'heure au 1-877-PARACHUTE. 1-877-PARACHUTE. C'est l'école de parachutisme Adrénaline. Et on souhaite bonne chance à tous ceux qui déménagent parce qu'il pleut dehors. Ah, il commence à pleurer. Oh. Il y a eu de la pluie. Oh. Je pense que ça vient d'arrêter, mais il y a eu de la pluie quand même. Pas vu ça, moi. Pas en tout. Ouais, on a comme les rideaux fermés. On voit rien. Ouais. C'est pas grave. Pas grave, à un moment donné, faut ce qu'il faut, hein. On peut pas avoir la bonne météo à chaque année quand on déménage. Croyez-moi, je le sais. J'imaginais une pluie torrentielle à un moment donné, c'était vraiment le fun. Vraiment le fun. Ou l'hiver. L'hiver, c'est pire. Fait que dites-vous, l'hiver, c'est pire, donc ça va aller mieux. Hein? Bon. Hein? Donc, on va aller écouter un petit peu du Husky avec une entrée très récente dans le palmarès de C'est fou. Ça s'appelle Chambre Noire de l'album La Fuite. Ça commence à l'instant au 89 FM. C'est fou. Silasiut 102.40 Silas Mute. Kung vasik palayo. vois s'élever le matin plein. En ce début du mois de novembre, il va falloir quitter cette chambre et on sera plus jamais les mêmes. Steph est pas de bonne mort. Steph est bien, bien de bonne mort. Est juste occupé, tu sais. Islands avec Vapors, précédé du nom avec D.B. Cooper et une pièce du palmarès francophone, le ski avec Chambre Noire. Notre mascotte, François-Olivier, vient de revenir en studio. Il est allé livrer une pizza. Les pizzas, en fait, ça a bien été. Super sympathique, le monde trip. On écoute, c'est fou, on déménage. Et puis, fantastique, merveilleux. On les félicite encore. Et puis, Salvatore... Guide Salvatore m'a dit que seulement aujourd'hui, en fait, l'extra large pizza, Dieu sait qu'elle est excellente en plus, là, vraiment, est au prix de la moyenne, hein? 9,99. Je pense que je sais qu'est-ce que je mange pour souper. Jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h. Ouais. Bon, ben allez-y donc, Pizzeria Salvatore au Cap de la Madeleine. Comme c'est moins cher qu'à l'épicerie pour vrai. Tellement. Et en plus, vous n'avez pas à la mettre dans le fourneau. Exact. Ah, tu casses pas la tête. De toute façon, t'as pas de fourneau quand tu déménages encore. Exact. Hein, il est pas plié. 819-376-7666 Salvatore. Oui, et tantôt, on va avoir d'autres pizzas à vous donner ici, ouais, grâce à C'est fou. C'est la vente fin de bail, alors restez avec nous. C'est fou, c'est comme faire une course avec un nain. Non, c'est sûr de gagner. Toujours en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières, c'est la vente fin de bail. On veut tous chanter en même temps la chanson Thème. Bon retour, c'est la vente fin de bail de C'est fou au 89 FM présenté par Assemblage Requis qui commence à 15h. Comme on disait tantôt, François-Olivier Marchand, qui est notre directeur des partenariats, / directeur général, / mascotte de C'est fou, est de retour de sa livraison. Faudrait qu'on y trouve un costume. Ben, ça ressemble de feu. Sans commentaire. T'es vraiment méchant. Sans commentaire. Au moins, Stéphanie est revenue de bonne humeur. Ouais, c'est ça. J'ai toujours été de bonne humeur. Check toi. T'as été malchanceux, t'es parti d'ici, il faisait soleil, là t'as livré tes pizzas. Sous la pluie, puis je suis revenu, gros soleil, sur Trois-Rivières. Bon temps pour déménager, en fait. Ouais. Mais je pense que les gens qui déménagent peuvent s'identifier avec toi, justement, parce que c'est le même que ça se passe dans la ville déménagement. Il fait jamais, tu sais, beau, correct. Soit il fait super chaud, soit il mouille. Ouais, c'est vrai, ça. Toujours bien. Quand j'ai déménagé la semaine passée, là, il faisait tellement chaud, là, il faisait à peu près 30. Épouvantable. Épouvantable. D'ici la fin de l'émission, on a d'autres concours pour vous. On va avoir quoi, le son en parachute, hein, parce qu'on fait des finalistes, nous, tout au long de l'émission. C'est ça. Vous pouvez appeler 819-376-5183 en tout temps, à excepté, sauf quand Stéphanie parle. Seulement quand c'est... Mathieu ou François, pas juste moi. Eh bien là, présentement, en fait, on va faire tirer 10 boîtes de céréales. Hey. General Mills, des Cheerios. Ah, il y a quels autres? Croquant cannelle, je crois. Croquant cannelle. Mm-hmm. C'est bon dans la bouche. Ah, c'est tellement excellent dans le réceptacle buccal, comme on dit. Comme on dit. C'est ça. Donc, on dit pas ça du tout. 819-376-583, c'est le numéro en studio. Premier appel. Et Colin, tu vas... Hey, toi, tu débarres sur les chapeaux de... Chapeau de roue. C'est ça. Chapeau de roue. Dépendant de... Là, on va pas faire de la discrimination envers les roues, là. Wow! Les roues aussi ont le droit de porter des chapeaux. Voilà. 819-376-583, pour l'instant, on écoute Gorillaz avec la pièce Feel Gooding. Yeah! Oh yeah! Vous êtes dans la vente fin de bail de C'est fou. Non, avec Mathieu Plante. Et Stéphanie Gagné et François-Olivier Marchand, la mascotte de C'est fou. C'est une belle nappe. Hey, monte le son, là. Il fait beau. Là. Ça, une c'est... belle nappe. Une belle nappe. Je l'aime, ta nappe. Ça. Ah! Je mangerai dessus. Hop, hop. Je prêt à prendre nos mots. Town. manger mon micro. François montrait à Stéphanie la vidéo sur YouTube du gars qui avale son micro. Alors là, on essaie de faire pareil avec François. Ça marche pas, par exemple. François, il n'y a pas l'orifice buccal assez grand, assez large. Non. Assez développé. Il y a trop de dents. Mais je suis content. Par exemple, je suis content d'avoir des dents. T'en as juste assez. Bien pratique. Ouais. Bien pratique. Vous êtes à la vente fin de bail de C'est fou. On vous présente de la musique pour vous aider à déménager, tu sais, vous remettre dans le beat. Parce que déménager sans beat, sans bon beat, c'est long. C'est ça. C'est plate. C'est pas fou pantoute. C'est pas fou pantoute de... Ben, tu sais, fou dans le sens... C'est pas plaisant. T'as essayé de faire un jeu de moi et c'est fou, puis ça a pas vraiment marché, c'est ça? Ben... ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, l'émission d'aujourd'hui est présentée par Pizza Salvatore. Et par Mathieu Plante. Arrête. Non, parachutiste, par adrénaline aussi, en fait. Ouais. On va faire le saut en parachute à 3h20 pile. Nous, on fera pas un saut en parachute. Non. On est beaucoup trop mauvais. Ouais, moi oui. En fait. Jamais. Non, je suis pas capable. Je ferais jamais ça. Non. J'ai même trop peur. Je donnerais mon corps à la science, par exemple. Oui, moi aussi. Ben ça, c'est juste, selon moi, normal. Mort. C'est ça. Tu vas-tu t'en servir encore? Corps, c'est bon, il y en a qui pourraient s'en servir encore. On débattra pas de poids. Le monde sont en train de manger une pizza, puis chez Pizza Salvatore, là, puis tu leur enlèves leur appétit. Ou donne l'eau à la bouche. T'es tellement bas. Je suis en forme. Ça a l'air à ça. Hey, de la bonne musique, en fait. Félicitations. Pendant que j'étais parti livrer la pizza, je vous ai écouté, en fait, le son dans le tapis. C'est un fait? Ouais, c'est un fait. Bon Against Me que je jouais. Ah, toute la quête. Ça fait une heure de ça. Ouais. Bon. Non, mais je voulais voir. C'est là que j'y pense. Je suis un peu en retard. C'est ça. Dis-nous que t'écoutais pas vraiment. Ben oui, je t'écoutais. T'écoutais-tu? Bon. OK, hey, parlons de nos commentaires pour vrai. Là. Faut le dire souvent. Moi que tu doutes. Parce qu'on les aime. Pizza Salvatore, c'est au Cap de Madeleine, c'est sur Vachon, 450. Vachon, c'est dans la halte. Ouais, exactement. En fait, là, promo, en fait, aujourd'hui, j'arrête pas de dire, en fait, un moment donné, je vais arrêter. Je sais pas, hein, j'avais pas remarqué ça, t'sais. La pizza extra large, 9,99, ça, c'est au prix de la moyenne. C'est bon jusqu'à 20 heures. 20 heures. Ouais, je m'entendais dire 21 heures, mais c'est 20 heures. Donc, 819-376-7666. Ça vaut vraiment beaucoup la peine, ça. Mais si vous voulez aller voir le menu, en fait, le menu, Pizza Salvatore. J'ai tellement compris, l'omnu. L'omnu. Ah, ben là. Ça, c'est après 20 heures. Je vais y aller après 20 heures. Ah, il fait chaud. Il fait chaud soudainement. Voilà pour Pizza Salvatore. C'est chaud, c'est hot. Et c'est rempli de piment et de tomates et de chocolat. Mais attends, remets ton gelé. On se peut plus. Donc, Vachon, 376-7666. Sur Vachon, au Cap de Madeleine, c'est simple. Et puis aussi, l'émission est présentée par l'école de parachutisme Adrénaline, qu'on appelle Paradrénaline parce que c'est plus court et plus trendy. Parachute! Adrénaline! C'est sur le terrain de l'aéroport de Trois-Rivières. Ouais. Donc, ils ont deux écoles, eux autres. Oui, il y en a une aussi à Saint-Jérôme. Ouais. Oui, exactement. Eux, par contre, c'est un petit peu plus. C'est comme autour de 15 Nord, 143 Ouest, Villette de Marti. C'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Nous autres, c'est sur le terrain de l'aéroport simple. Exactement. Super sécuritaire. Oui. Les formateurs, en fait, là, ceux qui, avec qui on saute pour la première fois, sont expérimentés, sont soucieux aussi de notre bien-être. Ça va être de la misère. Hein? On va t'appeler Michel COG. Oh. As-tu vu le. Non? Non? La vidéo du gars de RDI quand il. Non, j'ai pas vu. C'est drôle? Non. Quand il fait des références que personne ne connaît. Il était pas la première fois. C'est un journaliste. Mais non, je sais c'est qui. C'est lui qui s'est fait tirer dessus par les Hells. Donc, il était à la télé, puis là, je sais pas. Ben là, c'est à part de quoi? Il avait l'air sous, mais finalement, c'est un retour de son dans son oreillette qu'il disait. Ah. C'est ce qu'il dit, c'est ce que tout le monde croit. Ouais. Il est souvent à Canal 2, lui aussi. Ah, c'est le fun. Mais j'écoute Canal 2. Ben, tant mieux. Ouais. Qui n'écoute pas Canal 2? Steph. C'est ça. Moi. J'ai pas de télé. Comment tu veux que je fasse ça? J'ai pas accès à une télévision pour tout l'été. Eh yeah boy. Je peux pas écouter Canal D. Chance qu'il y ait pas de hockey. Une chance que t'as une radio pour écouter C'est fou, par exemple. Hein? Hein? Hein? Dis-le que t'écouterais pas la télé de toute façon. C'est vrai, on a une radio dans notre bureau. Et voilà. Elle avait pas de l'air au courant, par exemple. Elle l'a pas ouvert encore. Non, c'est parce qu'on vient d'arriver cette semaine. Notre bureau est pas encore très, très placé. Mais oui, on a une radio, quelque part dans un casier. Encore une fois, les gens peuvent s'identifier parce qu'ils viennent de déménager et ils n'ont pas encore placé leurs affaires. Les gens, ils comprennent ces références. Ils se disent « Ah, mais Stéphanie, c'est comme ma chummy-chummette. » Et puis... chummy-chummette. Oh, j'aime ça. François-Olivier, c'est aussi un chummy-chummette. Ben là. Ou une mascotte. Ou une mascotte. Ah, au pire, je m'en vais. Non, reste. Reste, c'est moi qui s'en va. Yeah. Ouais, c'est vrai, tu t'en vas pour un petit bout, tu vas revenir après. Oui, j'en reviens tout de suite après. Pour Assemblage requis qui commence à 15h. Peut-être pas à 15h que tu vas revenir, mais quand même. Hein? On verra bien. Tu vas être là pour ta chronique Ton plat favori. Et un paquet d'autres choses dans Assemblage requis. C'est émission estivale en pièces détachées. Ça, c'est tout à l'heure, jeudi, entre 15h et 18h. C'est en rappel samedi à 16h. François-Olivier, donc on va continuer un petit bout. Encore ensemble. Un petit bout de chemin ensemble, Mathieu. On va aller entendre, pourquoi pas, un petit peu de Louis XIV. Hein? C'est très bon, ça. I know. C'est Monsieur Plante, en fait, qui m'a fait connaître ce groupe-là. Comme tout dans la vie. Hey, Grim, t'as fermé mon micro? Mon petit vlimeux. De la vente fin de bail, c'est fou au 89 fin. Vous avez caféine et vive la mort. C'est le numéro 2 du palmarès francophone de C'est fou ça en ce moment même. Palmarès qu'on retrouve sur le www.cifou.ca, www.cifou.ca. Vous êtes à la vente fin de bail de C'est fou. Notre émission de déménagement, si on veut. Ouais, on déménage avec vous, mais sans transporter de boîte. Oui, et même pas besoin d'avoir une pièce de libre. Non. Chez vous. Hey, parlant de transporter des boîtes, bon point, tu m'amènes là. Tu vas transporter des boîtes, ça doit être la job la plus plate au monde, ça. Non, être déménageur, je sais pas. Pas facile. Pas facile. Pas plate. Disons vraiment difficile. Et épuisante. Et payante. Je sais pas si c'est payant. Je sais pas. Bonne question. Bonne question. En fait, c'est sûr qu'en fait, ici, ce qui est bizarre, contrairement à les autres provinces, ces trucs-là, le bail finit toujours la même date. Donc, en général, là. Ouais, ouais, c'est ça, en général, là. Donc, j'imagine que le premier, en fait, aujourd'hui, ça doit être pas le Klondike des déménageurs, là, mais ça doit être là qu'ils font pas mal leur année. Là, le fait, reste de l'année, il doit pas se passer tant de choses que ça, je sais pas. Ben, tu connais-tu, toi, vraiment beaucoup de monde qui déménage le 12 ben, février? C'est drôle, mais j'ai déjà déménagé des dates bizarres, genre 7 février, puis ouais, en pourquoi mars. Tu cassais ton bail? Ou? Non, parce que j'avais signé comme des bails de 1,5 à un moment donné. Et puis l'autre fois, c'est vraiment parce que ça donnait mieux comme ça, parce que j'avais un voisin un petit peu qui j'aimais pas tant que ça. Ok, ouais. Ça, j'avais entendu. Ça donnait de même, tu sais. Si tu annules ton bail. Des bails de 1,5. Ouais, c'est ben, c'est comme un deal qu'on a fait, genre, est-ce que tu me ferais l'appartement un petit peu moins cher si je signe pour 1,5 au lieu de 1 an? Ok. C'est une bonne affaire, ça se fait, ça. Je savais pas ça. Je savais pas, moi non plus. C'est quelle première fois que j'entends ça? Ouais. Moi, j'ai déménagé, en fait, dimanche passé, là. Donc, je me suis évité du trouble. En plus, les gens étaient en vacances, là, aussi. Ben, aujourd'hui aussi, là, mais. Ah! Et que c'est pas le fun. Non, parce que j'ai déménagé à chaque année pendant un bout, pendant genre 6 ans, quelque chose. Pas cette année, je m'en sauve. Chance. Ouais. C'est le fun des fois. Même si, écoute, c'est sûr qu'il faut que tu sois bien chez vous. Là. Ouais. Mais même si tu penses que tu peux trouver mieux ailleurs, des fois, c'est quand même le fun de rester à la même place. Ouais. Juste pour pas avoir ce trouble-là. Parce que tu vis dans les boîtes avant, tu vis dans les boîtes pendant, tu vis dans les boîtes après. Jusqu'à ton prochain déménagement, dans mon cas. Ah, exactement. Bon. Ouais. Non, exactement. C'est... Puis ton appartement est joli. Fait que t'as pas besoin de change. T'es fin. Ah, t'es fin. Je t'aime. Ah oui. Toi. Hey, c'est la fête du Canada, soit dit en passant. Cela étant dit. Prochain sujet. Prochain sujet. Ouais, c'est la. Ouais, c'est ça. Ouais. On passe tout le temps au déménagement, on dirait que j'avais oublié la fête du Canada. C'est drôle, comme c'est pas mal comme ça pour tout le monde, hein, au Québec. Hein, ouais. Hey, y a même des gens qui déménagent dans l'université. C'est le fun à voir via notre studio. Aquarium. Ouais, ça chèque aussi, hein? Oui. Ça vient d'arrêter. Je sais pas. Hey, tremblement de terre, l'autre fois. Pas on est tellement sur le sujet, on est vif sur la nouvelle, telle TVA. Hein? Mais j'ai pas senti rien, moi. Non? Toi? Oui, ben j'étais en train de. Ça va avoir l'air vraiment, genre, riche et fendant. Oh, j'étais en train de me faire masser. Ouais, c'est vrai. Ouais, massothérapeute et puis problème de dos. Tu sais. Puis, Vous l'avez senti, les deux? Oui. Ah ouais? C'est le fun. Ça doit. C'est vraiment le fun. Avec ta massothérapeute. Bon, c'est entendu, c'est la fête du Canada. Ouais, bonne fête. Bad fête. Je pense qu'on va retourner en musique. Ah, fais donc. On s'habitue, toi. Fais donc ce qui te tente. Merci. Je te trouve beau. Ben, moi aussi, quand même. Yeah. Hey, t'es appétissant en plus. Et ouais. Imagine avec une pizza dans les mains. Ou sur toi avec ta nappe. Ouais. On s'en va entendre un autre classique. Je le répète souvent ce mot-là. Pourquoi? Parce que c'est des pièces que j'aime faire jouer dans des émissions genre de bonne humeur. Parce qu'aujourd'hui, on veut vous mettre de bonne humeur. De bonne humeur. On parle beaucoup trop longtemps. C'est ça l'affaire. Puis après c'est ça, pire. Quand on met de la musique, il faut que ce soit bon. Ben, c'est toujours bon. En tout cas, à date, c'est pas mal tout le temps. C'est rare que c'est pas bon, hein, c'est fou, je vous dirais. Faut y prendre goût. Ouais. On s'habitue tranquillement. Ça se peut que ça soit pas dans ton style, mais... Ben, il faut ouvert d'esprit aussi. Ouais. Ouvrez grand les oreilles, comme on dit. Exactement. Voici Plagiat et Beautiful Explosion. Ah, c'est fou. C'est la bonne fin de bail. Yes. first of suspicious cars. Move out into the country. Get away, get away. Les Gigolos et la Guerre des Mondes dans la vente fin de bail d'assemblage requis sur C'est fou 89.1 FM. On prend une petite pause et on revient juste après. Le temps des plaisirs est fini. Le temps des plaisirs. 489. Je dirais jamais si souvent. Ce gars-là a vraiment du talent pour réussir à finir à chanter comme ça. Comme... Ah, exact. Malade, c'est très bon. Ouais. J'aime beaucoup les ID que Danny fait. Danny Janvier, c'est fou, 89, oui. Vous êtes à la vente fin de bail de C'est fou. On vous présente la musique qui vous aide à déménager. On vous donne des affaires comme de la pizza. Une pizza. On a donné de la pizza tantôt. J'ai été l'amener, il mouillait. Donc, quand je suis revenu, c'est sûr que ça l'a arrêté. Et puis pas là, chance. En fait, à 3 heures tapant. Dans 25 minutes, donc. Dans 25 minutes, en fait. On va faire tirer un saut en parachute. Si vous voulez gagner, en fait, appelez pendant qu'il y a une pièce qui joue. On va prendre votre nom. Vous allez être finaliste. On va tirer ça dans un chapeau à 3 heures live. Mmh. Live de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et que ça vient, ça. 819-376-5183. Prenez-le en note pour appeler pendant la pièce qui s'en vient. 819-376-5183. On écoute Band of Skulls avec Fires tout de suite sur C'est fou. 819-376-5183. Merci. We En train de chanter. Hein. Wow! Hey, j'aime ça, cette pièce-là. Ouais. Ah ouais, c'est fou pour vrai. C'est You Said Party, We Said Die. Exactement, avec une pièce qui s'appelle. Est-ce que c'était Laura Palmer's Prom? There's Love Within My Heart, c'était la première pièce là-bas. There's Love Within My Heart. Ben oui, ben ça le dit comme assez de fois pour que je me rappelle que c'était ça le nom. Hein? Love, love, love. Ah, c'est bon, ok, ça. Ça me met de bonne humeur, ça. Bam! Parle-moi de ça, toi. C'est ça le but, hein? C'est ça le but. C'est ça, c'est fou. Hein. C'est ça. C'est en ça. Général, entre telle heure et telle heure. Mais oui. Oh. Allez voir le CIF.ca pour la programmation complète de cet été. Retrouvez nos émissions régulières. Mais en tout cas, à Assemblage Requis à 15h le jeudi. Puis, On va avoir des photos aussi. Des photos? Oui. On va les photos sur le site web? Oui, on remet ça à jour tranquillement, pas vite. Ouais, très tranquillement. Non, non, mais sérieusement, des photos du festival d'une qualité professionnelle. Wow! Ouais. Tout ça sur le cfou.ca. C'est à surveiller. Puis on va essayer. Ouais, c'est ça, là. En fait, là, cette année, ça va être une grosse année pour nous autres. On va essayer de remettre ça. Droite! Comme une barre! Avec des nouvelles photos, puis des tirages, puis toute la patente. Pas que c'est accroche, mais tout ce qui est droit peut être encore plus droit. Il y en a qui n'étaient pas droits. Il y en a qui n'étaient pas droits, en effet, mais on ne parlera pas de tout ça. Enfin, il nous reste une quinzaine de minutes à cette portion d'émission. D'ici à 15h, on va dévoiler enfin notre gagnant du saut en parachute. C'est plus un poulet que j'imitais, je pense. On l'aime, ton poulet. Thank you, thank you. On a pris quelques autres finalistes à ajouter dans notre bocal / chapeau de roue. Chapeau de roue. Donc, parlant de chapeau de roue, ça m'étonne parce que j'ai reçu un téléphone il y a quelques minutes à peine d'une de nos maintenant finalistes. Hein. Elle l'a appris, elle est maintenant finaliste pour le saut en parachute. Donc, on a appris qu'il vient juste d'y avoir un accident sur des forges des Récollets. C'est vraiment pas le fun. Évitez ce coin-là, si vous pouvez. Ouais, c'était proche du Canadian Tire, un pick-up. D'un poteau. Et qui est fonctionné chez Poteau. Puis si vous avez rien à faire, ben allez voir ça. Gang de Saint-Neux. Allez-y tout de suite, c'est très près de l'université. C'est vrai que les gens sont Saint-Neux, hein? C'est fou. Hein? Ça m'étonne. Mais tu sais, tout le monde saigne partout. C'est vrai. Tes voisins saignent sur toi. Toi, tu saignes sur tes voisins. Même si tu dis que t'es pas Saint-Neux, quand il y a quelque chose qui se passe, tu saignes, là. Ouais. Voyons. Assume-toi, bâtard. D'accord avec ça. Bon. J'assume. Et voilà, on s'assume. Le monde en vie, faut que vous vous assumiez. C'est la morale de l'émission d'aujourd'hui. Exact. Merci. Mathieu Plante. Un grand homme. Voilà. Donc, il va y avoir d'autres finalistes à faire d'ici les prochaines minutes parce que là, c'est le last call, dernier appel. Donc, on demande aux gens de nous téléphoner au 819-376-5183. Si pendant la prochaine chanson, en fait, là, vous avez pas appelé, ben appelez pas parce qu'il va être trop tard. Ça va être trop tard parce que là, on va avoir découpé les tickets, puis on va mettre ça dans le chapeau de roue. Chapeau de roue, on va faire tourner ça. Une demi-heure de temps. À spin. Le poulet à spin, elle toi. Le poulet. Hein? Bon. Donc, appelez-nous pendant la prochaine pièce, 819-376-5183. Et plus tard, il va y avoir aussi d'autres pizzas à vous donner. Donc, syntonisez et continuez de syntoniser le CIF 89.fm. Exactement. Et puis, si vous avez faim, en fait, mangez pas du poulet, mangez de la pizza. Pizza Salvatore. Hey, la pizza, c'est surévalué, ça. 9,99, une extra large, seulement aujourd'hui jusqu'à 20h. 819-376-7666. Ça, c'est pour contacter directement Pizza Salvatore. Salvatore, et si on va appeler ici en studio pour le saut en parachute, le 819-376-5183. 819-376-5183. Tout ça, vous parlez avec le gentil Mathieu Plante. Ah, merci. On va entendre un Pochic-Chic de leur album Au contraire, voici Aide et Morcelé. Appelez-le! 819-376-5183. C'est là où jamais. Ces jambes, tu imagines. Voici chic chic et la pièce Heidi Morcelet dans la vente fin de bail de C'est fou. Oh, quelle est fin de bail! Fin de bail! Fin de bail! Fin de bail! Fin de bail! C'est quoi ça, cette pièce-là? Tu chantais? Fin de bail, bail, bail, non? C'était NSYNC, je pense. C'est quoi? NSYNC. Ah ouais? C'est bail, bail, bail, non? Ah, je pense que oui. Ouais, j'étais un peu. J'étais un peu gêné, là. C'est ça, un petit peu honte. Toup, toup, toup, toup, toup. C'est pas grave. OK, finaliste. Finaliste. Concours. Oui. Saut de parachute. À part adrénaline, en fait. Qu'on remercie encore l'école de parachutisme qui est située sur le terrain de l'aéroport de Trois-Rivières. Merveilleux. C'est merveilleux. 1-877 parachute. Exact. Exact. Et puis, écoute, roulement de tambour, mon Matt. Pas le poulet dans la sécheuse. Hey, mais juste quelques mots, en fait, sur paradrénaline. Ben oui, enlève le suspense. Rajoute du suspense. Ben, le premier saut en parachute, ça se passe en tandem. Il y a des options vidéo-photo, en fait. Là, vous pouvez payer, en fait, pour que quelqu'un vous filme. OK. Prendre des photos aussi. C'est cool. Il y a un magasin aussi, là, un Pro Shop, qui est pour les débutants. En tout cas. Il y a un magasin. Il y a un magasin, c'est ça. Plein de choses à voir. Puis il y a des cours, en fait, parce que tu disais, c'est une école, tu fais bien de le spécifier. Si tu veux en apprendre plus et plus savoir comment sauter. Si tu veux être moniteur aussi, c'est faisable, tu sais. Ils sont bien open. Ouais, ouais. Puis vos rêves peuvent devenir réalité sans vous tuer. Hein, c'est bien dit. Oui, c'est ça. Il y en a qui ont vu les deux pieds dans le vide, là, puis ça fait un petit peu peur. Ah, j'ai pas vu ce film-là. C'est pas ça, pas en tête. C'est bon? Très bon. Ah ouais? Très, très bon. OK, je vous répète le numéro de téléphone, 1-877-PARACHUTE. Il y a des certificats cadeaux aussi disponibles. Vous pouvez aussi visiter le paradrénaline.ca et vous pouvez envoyer un courriel à nad@paradrénaline.ca. Et là, est-ce que c'est le temps de dévoiler parmi nos nombreux nominés qui va gagner ce saut en parachute-là? C'est là que ça se passe, Matt. Roulement de poulet? Roulement de poulet. Et le gagnant ou la gagnante est... Sébastien Richard! Yeah! On n'a pas de public en studio, par exemple. Yeah! Yeah! Un jour, félicitations. Sébastien, si tu nous écoutes, en fait, je vais t'appeler... Incessamment, en fait, pendant la prochaine pièce. Et puis, on va regarder, en fait, si... Je me déplace, je suis la mascotte aujourd'hui, je vais livrer de la pizza, fait que pourquoi pas, j'irai pas te livrer ça. T'es un homme à tout faire aujourd'hui, tu t'arrêtes pas, t'en peux plus, t'es comme là, pis t'es... Comme une mascotte ferait, tu sais, genre... Ouais, avec une grosse tête. Puis on voit pas les lèvres qui parlent. Ta tête est juste correcte. Ah, merci. Correct. Mes cheveux, quand ils sont. Ben, je les aime, tes cheveux. Ouais, je suis en train de caler. Non, ben, moi aussi, mais non. À toi, ça paraît pas. Ça paraît pas en haut. Ah, moi aussi. Ouais. Ben, sur le côté, puis en haut, moi. C'est intéressant, ça. Voilà. Donc, cela étant dit, on revient dans quelques minutes avec la portion régulière d'Assemblage Rocky. On va vous recueillir avec le vrai thème avec des paroles dessus. Exactement. Félicitations, Sébastien Richard, pour le saut en parachute. Merci par Adrénaline. Vraiment efficace. Les gars sont super gentils. N'hésitez pas à aller visiter ça. Allez appeler. Prenez rendez-vous. Allez vous jeter dans le vide. Oui, mais avec le parachute. Avec le parachute. Ah non, c'est ça. Et pour les pizzas, il va y en avoir d'autres. Donc plus tard, ouais, exactement. Donc restez avec nous. Et Stéphanie va être de retour bientôt aussi. Stéphanie, je reviens. Moi, je m'en vais, mais je reviens aussi. Tu reviens, toi? Ouais. Bon, ben, restez là, tout le monde, à la maison, puis toi, ben, va-t'en, puis reviens. Puis je reviens. Okay. M'en va pour mieux revenir. Ah, ben, OK.